Expérimental. Aïe aïe aïe aïe aïe. 2015. Ok. Ya mental. Ya. Agent B, le plus boycotté des boycottés, menotté. Savaté, puis incarcéré, des vrais incarcérés. Ne faut pas se leurrer, ça sert à rien de pleurer quand la poisse a harponné. On est bien loin de l'apogée, cousin, on est rempli de projets. La tête haute à mon procès, même quand la juge m'a crossé. 18 mois ferme, et moi je rêve de la rafaler. Es-tu sûr d'être préparé? Rap indé, pas de blindé, mais ça sert à rien de parler. Avant de peinave de chez moi, chez toi passe un coup de balai. On n'a pas le même point de chute, donc pas le même point de vue. À l'inverse d'avoir des thunes, bah j'pète des culs. J'pactise avec Belzébuth quand mon chibé dans la bouche d'une pute. Ouais, j'm'aburge, j'sais que j'abuse quand j'te dis suce ma bite, ma puce. Pour les coups du Ronalbus, trop buste quand l'alcool nous booste. Rien à foutre de ton Facebook, tu sautes, tu peux te le mettre ton pouce. On lâche pas le steak comme un alcoolique et s'attise. Mes acolytes sont sérieux, pourquoi tu dramatises? Ici c'est le wood, t'as pas vu quand les Schmitt déboulent? Oui, on dérouille, ça sent la tôle quand tu pètes. On lâche quoi le steak comme un alcoolique et s'attise. Mes acolytes sont sérieux, pourquoi tu dramatises? Ici c'est le wood, t'as pas vu quand les Schmitt déboulent? Oui, on dérouille, ça sent la tôle quand tu pètes. On arrive sur terre pour travailler, se batailler. La vie c'est pas gagné, ça se paye des costards bien taillés. Moi je lutte pour m'habiller. Manque de billets, vois pas la vie briller. Gros, la lumière a crié. Les amis, j'ai trié en mettant le pied à l'étrier. Par le mal, tout s'attirer. Y'a trop de temps, j'ai gaspillé. Y'a trop de temps, j'ai esquivé. Je cherche l'argent, où est-ce qu'il est? À chacun sa destinée. Pour m'enrouler, presque inné dans mon pilon, pas de verre pilé. On est lombé, ça fait que dealer. Moi, plus qu'un con, coffre le dîner. J'ai pas le budget, mais les idées, j'suis pas un riche, tu l'as deviné. J'rappe pour les frères qui font chiner. Test faillable pour tout déchirer, faudra que tu passes chez le kiné. La drogue est devenue un vrai fléau. Rage de terreau, courage d'héro. J'passe toujours bien comme l'apéro. Mélange marron à vert fluo. Je suis en bas mais j'veux voir plus haut. Mais j'veux voir plus haut. Mais j'veux voir plus haut. On lâche pas le steak comme un alcoolique et s'attise. Mes acolytes sont sérieux, pourquoi tu dramatises? Ici c'est wood, t'as pas vu quand les Schmitt déboulent? Oui, on dérouille, ça sent la tôle quand tu pètes. On lâche pas le steak comme un alcoolique et s'attise. Mes acolytes sont sérieux, pourquoi tu dramatises? Ici c'est wood, t'as pas vu quand les Schmitt déboulent? Oui, on dérouille, ça sent la tôle quand tu pètes tes couilles.